Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal-layli idha yaghsha. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par la nuit, quand elle enveloppe tout. Wan-nahari idha tajalla. Par le jour, quand il éclaire. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. Inna sa'yakum lashatta. Vos efforts sont divergents. Fa'amma man a'ta wattaqa. Celui qui donne et craint Allah. Wa saddaqa bil husna. Et déclare véridique la plus belle récompense. Fasanuyassiruhu lil yusra. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous, certes, de guider. À nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Où ne brûlera que le damné. Qui dément et tourne le dos. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Alors quand sera écarté le pieux. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Qui donne ses biens pour se purifier. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. ولسوف يرضى. Et certes, il sera bientôt satisfait.